Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, votre magazine économique sur Radio Fadjet. Alors, nous allons parler donc pour ce nouveau numéro de la grande épicerie générale à Nancy, puisqu'en 2026, elle fête ses 10 ans. Et à l'occasion de ces 10 ans, de nombreux événements tout au long de cette année pour l'Instant Éco, nous allons retrouver donc une interview de son ancienne directrice, mais toujours active, Christelle Chevalet. On se retrouve tout de suite pour l'Instant Éco. Alors la grande épicerie générale, c'était un supermarché pas comme les autres. Elle, qui n'était au tout début que le regroupement d'une dizaine de consommateurs pour des commandes communes d'agrumes, a pris une forme associative rue Saint-Nicolas avant de devenir coopérative en 2020, en même temps qu'elle déménageait avenue du 20e Corps. Alors le principe de la grande épicerie, eh bien, en achetant au minimum une part de 10 euros, les clients deviennent coopérateurs. En donnant 3 heures de leur temps par mois pour la mise en rayon ou la tenue d'une caisse par exemple, ils peuvent faire leurs courses. Et plus de 3000 références sur 200 mètres carrés, des produits alimentaires mais aussi d'hygiène et d'entretien, la plupart bio mais aussi locaux. La marge réalisée par la coopérative est autour de 25%. Alors la grande épicerie compte aujourd'hui 2 salariés, 400 coopérateurs actifs ainsi que 300 autres coopérateurs qui ne s'impliquent pas tout le temps mais qui soutiennent le projet, et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et la ville de Malzéville ont également acheté des parts. Alors l'an passé, le supermarché participatif a réalisé un chiffre d'affaires de près de 600 000 euros en hausse de 15% comparé à 2024. Alors, en 2026, eh bien, la grande épicerie, comme je l'ai dit en introduction, va fêter ses 10 ans. C'est l'occasion donc de retrouver une ancienne interview de son ancienne directrice, mais toujours membre actif, qui est Christelle Chevalet, que nous avions donc reçue dans les studios de l'Instant Éco. En sachant, bien sûr, que son président actuel était Éric Graal. Alors, première question que j'ai posée donc à Christelle Chevalet, bah, c'est de nous expliquer un petit peu la mission de la grande épicerie et puis un petit peu son historique. Alors notre épicerie coopérative s'appelle la Grande Épicerie Générale de Nancy. Nous avons démarré en mars 2016, nous étions 7 adhérents à l'époque puisque c'était une association, et nous avons été assez rapidement 80 personnes, et pendant un an et demi on n'avait pas de local, on se réunissait dans les bars de la ville pour chercher des producteurs, chercher un local, chercher des logiciels et bien sûr des coopérateurs. Donc ensuite, on a trouvé un local juste à côté de Radio Fadjet, qui était rue Saint-Nicolas, mmh. Où là, on avait un petit local qui nous a été loué par la ville, qui nous a bien soutenus. Et nous avons là testé vraiment nos fonctionnements. On était d'abord un groupement d'achat. On avait très peu de produits en vente qu'on vendait une fois par mois, puis une fois tous les 15 jours sur un mode de précommande. Et puis petit à petit, on a abandonné les précommandes et puis on a eu de plus en plus de produits en rayon et on est passé sur un mode qu'on a appelé libre service. Et puis, en 2020, on a eu la chance de trouver un local juste en sortie de confinement. Et nous avons déménagé rue du 20e Corps. Et nous sommes encore en mode de progression. Tous les mois, on rajoute des nouveaux produits en rayon. On a aujourd'hui environ 1500 produits dans les rayons. Et nous sommes 300 coopérateurs, dont environ 220 coopérateurs actifs. Je crois qu'on expliquera ensuite quelles sont les différentes tâches des coopérateurs. Tout à fait. Et donc, comme a pu dire Francine, chacun participe aux décisions à travers 2 à 3 assemblées générales par an. Et donc, toutes les grandes décisions sont prises en commun. Voilà. On va justement évoquer tout à l'heure les droits et les obligations des coopérateurs. Alors, quelles sont les principales motivations des coopérateurs quand ils décident de vous rejoindre ? Elles sont très variées en fonction des personnes. Donc, on est beaucoup de militants quand même. Il faut bien le dire encore aujourd'hui. J'aimerais qu'on ait plus de personnes qui sont un peu moins militantes. Mais il y a bien sûr, comme dans beaucoup d'associations, il y a beaucoup de retraités. Parce que ce sont des gens simplement qui ont du temps. Voilà, et qui ont envie de s'investir. Donc il y a une motivation de se réapproprier un petit peu sa consommation, de créer du lien et de faire des choses ensemble. Il y a aussi, on a aussi beaucoup de jeunes, même des étudiants, alors qui eux sont militants dans le sens où ils mangent bio, certains sont véganes et ils trouvent chez nous en fait une autre façon de consommer qui correspond plus à des idéaux qu'ils ont aujourd'hui au vu du contexte économique, social, envie de changer le monde. Voilà. Donc c'est assez varié. Puis on a aussi, on a des familles, des célibataires. C'est très très varié. Ça va de 19 à 82 ans, je crois, notre doyenne. Très bien. Alors, si j'ai bien compris les explications de Francine, pour pouvoir acheter dans votre épicerie, il faut être adhérent, c'est-à-dire être coopérateur. Hein. Il faut être coopérateur, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut acheter des parts sociales. Et donc, c'est 10 parts sociales à 10 euros. Payable plusieurs fois pour les gens pour lesquels ça paraît un peu cher. C'est payable une fois et c'est récupérable lorsque l'on part. Et il y a un accès plus simple pour les étudiants ou les personnes bénéficiaires des minima sociaux. Et là, pour le coup, c'est une part à 10 euros. Et au-delà de la contribution financière, il faut donner également de son temps, hein, puisque je crois qu'il faut donc donner 3 heures de bénévolat par mois. Il faut exactement donner 3 heures toutes les 4 semaines, donc ce qui fait 13 créneaux par an, pour participer à l'ensemble des activités de la coopérative. Alors, au-delà de donner 3 heures de leur temps par mois, quels sont les droits des coopérateurs à la grande épicerie ? Eh bien, le droit de faire leurs courses, en fait, et de bénéficier des produits qu'il y a en magasin. C'est-à-dire que si on n'est pas coopérateur et qu'on ne donne pas 3 heures toutes les 4 semaines, on ne peut pas faire ses courses. D'accord. Et donc, quel est le portrait des coopérateurs qui vous ont rejoint ? Le portrait. Pouvez-vous préciser, Francine, ce que vous entendez par portrait ? Alors, je sais pas, les tranches d'âge. Est-ce que c'est des hommes, des femmes ? Ouais, des hommes, des femmes. C'est vraiment varié, mais effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de retraités. Il y a aussi des actifs, mais ce sont vraiment des actifs militants, parce que c'est pas toujours facile de trouver 3 heures toutes les 4 semaines. Et puis les tranches d'âge, c'est vraiment très varié, quoi. C'est 3 heures consécutives ou... C'est 3 heures consécutives, oui, tout à fait. Alors, quel type de produit proposez-vous ? Votre assortiment n'est pas vraiment calqué sur celui de la grande distribution, je suppose. Non, tout à fait. Donc, on a des produits, je dirais comme ça qu'on est à 70, peut-être 80% de produits bio. On a une partie des produits qui sont locaux. Il faut savoir que sur 60 producteurs à peu près, enfin 60 fournisseurs, on en a une cinquantaine qui sont des producteurs locaux. Mais on a aussi, parce qu'on tient à ne pas être élitiste et à attirer le plus grand nombre de personnes, on a aussi des produits qui ne sont ni bio, ni locaux, pour pouvoir proposer un prix plus attractif. Est-ce que les coopérateurs vont demander la présence de tel ou tel produit ? Tout à fait, c'est une des spécificités même de ce genre de modèle, c'est que nous avons à l'accueil un classeur où les coopérateurs viennent inscrire le produit qu'ils ne trouvent pas en rayon et qu'ils aimeraient trouver. Et puis il y a une commission, enfin que chez nous on appelle un groupe de travail, qui s'appelle le groupe catalogue, qui se réunit tous les mois et qui est chargé d'ajouter des nouveaux produits ou d'en retirer. Parce qu'en fait, c'est assez simple. On met un produit en rayon, il se vend, on le recommande. Il ne se vend pas, on l'enlève du catalogue. Très bien. Alors, après la première pause musicale, Christelle Chevalet va nous expliquer comment une épicerie coopérative peut parvenir à proposer des prix attractifs par rapport donc à la grande distribution. Et dans l'instant écho, on a l'habitude justement de demander à notre invité ses coups de cœur musicaux. Alors, Christelle Chevalet, quel a été votre premier coup de cœur musical ? Alors, c'était assez facile parce que c'est Dominica, Rendez-nous la lumière, parce que c'est une chanson militante qui exprime un peu... Peu de choses près, pourquoi j'en suis venue à m'engager dans ce genre de projet. Eh bien, très bien, on va découvrir ensemble donc Dominique A. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Voilà, c'était Dominique A. Rendez-nous la lumière. Vous écoutez Fadjet. Vous êtes en effet sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission l'Instant Éco Christelle Chevalet, donc présidente de la Grande Épicerie Générale à Nancy, pour nous parler donc fonctionnement d'une coopérative. Alors lors de la première partie de l'émission, on a planté le décor en présentant la Grande Épicerie, son mode de fonctionnement et les produits proposés. Maintenant, on va essayer de vous expliquer comment la Grande Épicerie parvient à proposer des prix attractifs, Christelle. Tout à fait. Alors en fait, la spécificité des supermarchés coopératifs, hein, donc copiés sur la Park Slope Food Co-op à New York, c'est que nous avons une marge fixe de 20%. C'est-à-dire que tous les produits qui rentrent dans le magasin, on y applique une marge de 20% et on a le prix de vente. C'est totalement transparent pour les producteurs qui savent exactement combien on va vendre leurs produits. Et c'est transparent pour les clients coopérateurs qui savent combien on a acheté le produit au fournisseur. Ce qui est très, très différent de la grande distribution classique, puisque les marges en grande distribution classique, il faut savoir que ça peut aller de 10%, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller en dessous, jusqu'à 60, 70, 80%. Quoi. Donc, on ne sait jamais exactement quelle marge est appliquée. Donc, voilà, c'est... Et puis, grâce aux coopérateurs bénévoles, les frais de fonctionnement sont réduits. Hein. Tout à fait. On a, on fait tout nous-mêmes jusqu'à il y a encore 6 mois où on a embauché une salariée. On fait absolument tout nous-mêmes. Oui, donc effectivement, je me posais la question. Il était nécessaire d'embaucher parce que si le magasin croît et si vous avez de plus en plus de produits, de coopérateurs, c'est peut-être pas facile de tout gérer comme ça avec les coopérateurs. Oui, tout à fait. Notre salariée Virginie, elle amène un œil neuf déjà et puis elle permet aussi de coordonner l'ensemble des tâches. Parce que imaginez 250-300 personnes qui viennent faire 3 heures toutes les 4 semaines, il n'y a pas toujours de la cohérence. Donc Virginie est là pour amener de la cohérence. Et puis surtout, elle a une grosse casquette communication qui lui permet de travailler pour aller chercher des nouveaux coopérateurs. Alors donc votre donc chiffre d'affaires, hein, donc c'est le résultat de vos ventes. Hein. Alors mais bénéficiez-vous à côté donc de votre statut d'aide, de subvention ? On a eu quelques aides, dont une assez grosse subvention l'année dernière, qui nous a été octroyée par la région Grand Est, une aide de 50 000 euros, qui nous a permis justement de payer le salaire de Virginie pour moitié pendant 2 ans, et puis de faire des gros investissements que nous sommes justement en train de faire en ce moment. Alors, je suppose que ce modèle plaît à certains fournisseurs. Est-ce que certains vous contactent directement ? Oui, pas tous les jours, mais presque. Oui. Ouais. Oui. Et c'est pas simple parce qu'on peut malheureusement pas accueillir tout le monde. C'est compliqué l'organisation. Hein. C'est-à-dire qu'un producteur qui vend un produit, ça veut dire qu'il va se déplacer de l'autre bout des Vosges. Alors, écologiquement parlant, c'est pas génial. Et puis, si on a 1500 produits, alors je vais caricaturer, et qu'on a 1000 producteurs, ça va être la cohue et ça va être impossible à organiser. Donc, on essaye toujours de choisir des producteurs qui ont quand même au moins une dizaine de produits à nous proposer. Alors, j'ai vu que certains proposaient l'idée de créer une centrale d'achat commun entre les différents magasins coopératifs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? On en a déjà un petit peu parlé avec Graucoop à Metz, avec également Copalim à Strasbourg. On y pense, mais on est tous tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive pas à se poser pour voir si ça serait intéressant ou pas. Après, il y a des petites ventes, des petits achats flash comme ça qui vont se faire. Par exemple, on va faire venir des huîtres au moment de Noël, des choses comme ça. Mais pour le moment, ça s'est pas encore fait. Et après, s'il y a des gens qui veulent réfléchir à ça, ils sont les bienvenus. Tout à fait. Et donc, à côté de la vente de produits aux coopérateurs, est-ce que vous proposez des moments de convivialité ? Alors oui, pas depuis longtemps, parce qu'on a eu des petits problèmes là pendant 2 ans. Donc, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais du coup, la convivialité a vraiment, vraiment été mise à mal. Aujourd'hui, ça reprend. Et aussi, grâce à Virginie, on met en place. Et puis, parce que c'est une obligation du Grand Est qui nous a octroyé cette subvention à la condition qu'on mette en place du partenariat. Et donc, là, on démarre enfin des moments de convivialité, d'échange, alors avec des ateliers de fabrication, de savon. Là, on va faire des petits cadeaux pour la fête des mères, donc avec des choses très orientées zéro déchet, accessibles à tout le monde. On a un Repair Café, là, on a eu notre deuxième Repair Café, donc on en a un maintenant tous les mois. Donc, vous allez voir sur le site Repair Café Nancy et vous trouverez les infos. Donc, ça, c'est également ouvert à tous. On va bientôt avoir un rémouleur qui va venir aiguiser vos couteaux et vos lames de tondeuse tous les 2 mois. On fait des ventes de plants avec racines carrées. Donc voilà, ça démarre là depuis 2-3 mois et ça va être ouvert à toutes les personnes du quartier et pas seulement du quartier. Quoi. C'est très intéressant. Hein. J'espère que nos auditeurs vont apprécier effectivement les différentes alternatives que vous propose votre grande épicerie. Alors on va passer maintenant au deuxième coup de cœur musical. Christelle Chevalet, quelle est la chanson que vous avez choisie ? Alors c'est Cat Power, Bad Religion. Pas de signification particulière, c'est juste un coup de cœur émotionnel. J'adore cette chanson. Eh bien, on va la découvrir ensemble. For the hour, keep the meter running. Take every street if you wanna. trust no one. And he said, praise the Lord, hallelujah. Woman, woman, you need prayer, but a city keeps hurting me. Voilà, c'était Cat Power, le deuxième coup de cœur de notre invitée Christelle Chebalet. Vous écoutez Fadjet. Alors, vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est l'Instant Écho. On accueille dans nos studios donc Christelle Chevalet, qui est présidente de la Grande Épicerie Générale à Nancy. Alors, tout à l'heure, on a évoqué donc l'idée que pour les coopérateurs, donc, de donner 3 heures donc, de leur temps. Alors, Christelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont la diversité des tâches qu'un coopérateur peut effectuer au sein donc de la Grande Coopérative? Alors, j'ai envie de dire, c'est l'ensemble des tâches qui font qu'un magasin tourne, mais je vais pas vous laisser deviner, je vais les énumérer. Donc, il y a bien sûr mettre au catalogue les produits. Donc, je vais faire dans l'ordre, hein, en fait. Ensuite, il faut les commander, il faut les réceptionner, il faut les mettre en rayon, il faut les payer, il faut tenir la caisse, il faut faire du ménage, faire de la comptabilité. Donc, c'est très, très, très varié, quoi. Mmh. Voilà. On a aussi, par exemple, des produits qu'on va chercher au marché bio de Vendeuvre. Bah là, tous les vendredis, il y a quelqu'un qui prend sa voiture, sa moto, son vélo, qui va à Vendeuvre chercher les produits. Donc voilà, c'est vraiment des tâches très variées, ce qui fait que tout le monde peut y trouver son compte. Il y a même des tâches qui se font un peu en forme télétravail, depuis chez soi. Donc quelqu'un qui aurait du mal à se déplacer ou qui ne trouverait pas le temps dans les 3 heures, à venir 3 heures sur place, peut trouver des tâches qui seront adaptées à sa situation. Voilà, donc en fonction de ses compétences aussi, donc on apporte effectivement 3 heures de bénévolat. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs, effectivement, qui souhaitent adhérer donc à la Grande Épicerie, quelle est la procédure finalement à suivre? Alors, pour devenir coopérateur, il faut absolument, c'est obligatoire, passer par une réunion d'accueil et d'information. Il y en a une tous les 10 jours, alternativement le mardi soir à 18h30 et le samedi matin à 10h ou 10h30. Tout est expliqué sur notre site, sur le Facebook, sur le Twitter. Enfin, on est assez actifs sur les réseaux sociaux. Cette réunion qui dure à peu près 1 heure, enfin ça va dépendre des gens, entre 3 quarts d'heure et 1h15, va permettre de visiter le magasin et puis d'avoir toutes les informations sur notamment notre mode de prise de décision qui est très transversal, parce qu'il y a bien sûr un conseil d'administration dont je fais partie, mais il y a aussi des groupes de travail, il y a les assemblées générales. On organise très bientôt un forum ouvert. Donc, c'est important de comprendre que c'est pas seulement donner 3 heures toutes les 4 semaines et venir faire ses courses. C'est aussi un engagement citoyen. L'idée, je vais aller très loin, mais l'idée, c'est quand même un peu de changer notre société, quoi. Donc, faire ensemble et puis faire ce qu'on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire qu'on décide tous ensemble et on y met tout notre cœur et on essaye de trouver des compromis. Et c'est pas toujours simple. Eh bien, merci donc à Christelle Chevalet, ancienne directrice de la Grande Épicerie, pour toutes ces explications. Alors, on le rappelle, en 2026, la Grande Épicerie, eh bien, fête ses 10 ans. Et pour marquer ses 10 ans, de nombreux événements auront lieu tout au long de cette année. Merci d'avoir écouté cette émission de l'Instant Écho. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester donc fidèle à votre radio préférée, Radio Fadjet.